Comme... Alors, qui est cet auditeur qui avait râlé? C'est Nicolas de Versailles. Ah, très bien, bah oui. Parce que tu avais foiré sa blague. Oui. Alors, fais-la bien, parce que sinon... Une dame se présente chez son pharmacien. Bonjour, monsieur, je voudrais de... Je crois savoir ce que c'est comme blague. De l'acide. Oui. De l'acide. Oui. Non, mais il a râlé, écoute. Raconte-la bien, Maurice. Maurice, s'il il nous plaît. A envoyé un mail d'insulte. S'il te plaît, tu fais un effort. De la chétil... Je sais pas quoi. Ah, mais Maurice, c'est de l'acide acétylsalicylique. De l'acide. Moi, je veux dire. D'un coup, vas-y. Regarde, Frédéric, donne-le à vous. C'est de l'acide acétylsalicylique. Bonjour, monsieur. Je voudrais de l'acide acétylsalicylique. Voilà, oui. Mmh. Oui, c'est passé. SVP. Oui, vas-y. T'es sûr que t'allais à l'école quand t'étais petit? Alors, attendez, la blague n'est pas finie. Vous voulez dire de l'aspirine? Il va me faire mourir, ce con.